vous racheter. Voilà, voilà, madame. Ouais. On parle d'adaptateur et tout ça et dans Pyongyang City Rockers. C'est le numéro 303 qui commence. Ce soir, effectif réduit, mais les meilleurs. Hein. Bah, comme à chaque fois, c'est pas toujours les mêmes, mais bon. C'est mais toujours souvent quand même. Voici donc grande Lidris Audrey. Bonsoir. Ah, tu fais ça bien. Ouais. Bonjour. Sans crier. Sans rigoler, sans bon. Rien, professionnel. Et grand leader Stéphane, jusqu'à 21h sur Campus 106,6, gna gna, poète, poète, soin, soin, tagada, avec quelques nouveautés, quelques groupes qui même qui passent ce soir, mais un peu loin, donc va falloir, je vais le passer dans pas longtemps. Pour l'instant, je démarre avec le local de mon local de la semaine, Reflex, dont la démo est sortie en fin d'année dernière. C'est encore disponible chez Dirty Slap, hein, le meilleur label de cassettes à l'ouest et à l'est de la Dole. Le seul en fait. Ouf, bah, pardon. Je sais pas, ouais, non, ben. C'est vrai qu'il a plein de trucs vachement chouettes. Ouais, et il fait bien le boulot. Et en plus de ça, il apporte, enfin, je veux dire, les trucs qui sont en dehors du Nord-Pas-de-Calais, c'est importé. Avec son petit Voluchon, tu sais. En... Il importe des choses vachement bien. Oui, quoi, avec de Bordeaux, de tout ça. Quand j'ai déjà passé de Bordeaux. Oui, quel ah, import. C'est loin. Bah, attends, bah, c'est l'import. Hein. Oui, si. Avec son petit Voluchon, tu sais. À carreaux rouges et blancs. Je m'appelle Rémi. Ah non, c'est pas ça, ça n'a rien à voir. Montre-moi la cassette, parce que j'ai vu que tu avais ramené une belle cachette. La cachette, elle s'appelle Reflex Demo 22, t'as vu ? Oui. Avec en plus un beau graphisme fait par Le Barreto, oui. Le seul unique que le monde entier est nous envie. Trop fort ! Et cette belle cassette est bleue translucide, bleu comme le ciel que nous avons. Ouais. Mais je crois que c'est un deuxième pressage. Enfin, c'est... Non, un deuxième. C'est pas pressé, réenregistrement. Ouais. Schmoll. Schmoll, on n'aime pas ce qu'il fait. Si, moi j'aime bien. Voilà. C'est un peu mou du. Les chaussettes sauvages et. Voilà. Les et les chats noirs. en tout cas, là, ça n'est pas. C'était quoi le Dactylo Rock ? C'est encore plus sauvage que le Dactylo Rock. Tu m'étonnes. Voici. Somewhere, du véritable hardcore à la mode des 80s par Reflex de Lille. I'm c'est étonnant. C'est bah oui, je l'ai pas. Ouais, non, bah, tu sais, ouais. Si j'ai un truc qui s'appelle Artiste, avec track 2, donc c'est peut-être ça, en fait. C'est peut-être, peut-être qu'il a pas. Bon, je vais enfin, je regarderai dans mon fichier. Pour l'instant, on va mettre ça. Donc tu peux y aller. là, les auditrices entendent exactement comment ça se prépare cette émission. C'est-à-dire qu'elle ne se prépare que peu. Que peu. Un peu. Que bon, elle se prépare que bon. Que bon. En mode pirate punk. Oups, pardon, désolé. Du coup, j'ai envie de vous. Pirate. Ah oui, les gens qui pompent les trucs, même sur les bandcam gratuits et qui ne citent même pas leur personne. Non, pas sérieux, justement. Enfin, il y en a qui sont un peu plus sérieux que les autres, quand même. Oui. Dans cette, sur cette superbe plateforme. Sans que citer le monde Didier Super, il y en a des biens. La semaine prochaine, j'en présenterai une autre qui est actuellement en cours d'essai, une autre plateforme de. Mais une bien. Ça a l'air d'être mieux quand même. En même temps, voilà. J'ai envie de te dire. Un peu plus managé c'est pas peut-être. Très mais compliqué bon, voilà. Non plus. De mon point de vue. Après, on va encore dire que. Ouais. Sinon, une très bonne plateforme qui n'en est pas une, vu qu'il y a une seule personne qui peut écrire dessus, c'est moi, c'est shpunk.org, sur lesquels vous avez tous les concerts qui ne se passent pas actuellement, vu qu'en quand même, en ce moment, là, c'est deux ou trois semaines qui viennent, là, c'est le désert. C'est out flou, quoi. Ouais, voilà. Et là, c'est out flou. Vas-y, envoie un truc. Et puis Research Reactor Corporation. Research. Yes. Oui, c'est des ovnis de la scène punk australienne. Que oui. Du coup, vous pouvez trouver plein de sons de ces joyeux lurons sur Bandcamp. Ouais, pour ne pas les citer. Et ils n'en sont pas avares. Il y a quand même plein de trucs. Et, ils ne sont pas avares de citer. Ils ne sont pas avares de mettre plein de trucs gratos. Non, je ne réagirai pas à cette blague. Non, oui, bon, non, non, bah non. Tout, t'es fatigué. On est... ah, on n'a pas le mojo ce soir, ça ne va pas. Ça ne si, va moi, pas. Ça va. Mi, j'en vois. Oh putain. Ouais. Enfin, j'étais à la piscine avant, c'est pour ça. Ah, on voilà, t'es longueurs, un peu moumou, t'es un peu moumou, ouais, non, voilà. Oh, tu sais, moi, je sors de la sieste. Ça, voilà. Vive les canastas. Ah, c'est pas tous les jours. Hein. La piscine, j'espère. Du coup, ils sont tout récents. C'est un peu des bébés, un bébé groupe, mais ils sont un pas... Bébé groupe. Un bébé ah, groupe, parce que tout jeune, tu vois. Ils ont pas joué, là, récemment, ici Research Reactor Corporation, je crois pas. Non, je ne pense pas. Oui. Confonge. Oui, tu confonges. C'est... Parce qu'eux, ils sont nés genre post-Covid. Ok. Bah voilà. Ouais, mais en fait, c'est... Ouais, faut... mais... Ah, oui. Mais je pense pas qu'ils soient venus jusqu'à chez nous, tu vois. Ils ont pas, à mon avis, les ronds suffisants et les supports suffisants pour faire une tournée jusqu'ici. Ok. À mon avis. Mais à vérifier. Du coup, eux, ils sont sortis plein de trucs sur le label underground allemand Erstetke. Hein? Je sais pas si ça se prononce comme ça. Erstetke. Comme une bibliothèque. Je pense. Oui. Sur lequel, donc, ils ont sorti quelques-uns de leurs disques. Il y a plein de trucs hyper cool sur ce label. Et donc, je vous propose d'écouter Demolition Man de Research Reactor Corporation. Oh, je t'attends de taper un truc, là. J'ai retrouvé le titre de mon nom, mais je l'ai pas ton autre titre, là. Je sais pas. Donc, voilà. Le truc d'avant, on verra ça après. Voilà, on va d'abord écouter Demolition Man, le plus grand de tous les héros. C'est pas ça. Non, c'était Action Man, ça. Oh, Action Man. Et ouais, le plus grand de tous les héros. Travaille, j'en ai jamais eu. Ouais, mais ouais. Comme j'ai jamais eu de pump. C'est quoi? C'était les pompes de Michael Jordan. T'appuyais. Ah ouais, t'avais un demi-ballon. Ouais, ça, c'est de... pour les jeunes, ça. Non, mais. Ah oui. De mon temps, déjà, si t'avais des Converse pourries, t'étais content. Moi, de mon temps, c'était les Furby. C'était un peu le Action des Man pour les meufs. C'était pas une espèce de bestiole là. Ah, c'était dégueulasse. C'était un genre de mogwai avec des gros yeux globulés. Et qui... Eh bien, voici voilà. Donc les Furby de la scène australienne. Les Research Reactor Corp. Corp. De Demolition Man. We'll be right back. trahison de la technique. Il y a un connard qui a mis les titres en répète. Et c'est pas moi pour une fois, le connard. Ah non, mais tu sais, c'est ça d'avoir un ordinateur qui est partagé entre tous les animateurs de Radio Campus. C'est ça, t'as la joie du direct. T'as des rigolos qui font des mûches des et des miches. Et des blogs. Et des blagounettes. Merci, monsieur voici Blog. Donc, ma blagounette à moi, c'est le groupe qui va passer ce soir. Enfin, qui passe ce soir, je crois que ça commence à 20h. À Anvers, Antwerp Music City, n'est-ce pas? Avec je sais plus qui et je sais plus quoi. C'est Body Maintenance. Il me semble que c'est aussi des Australiens d'ailleurs, mais c'est pas les Furby, c'est plutôt les Action Post-Punk de la scène australienne. Les Demolition Man, du coup? Non. c'est Body Maintenance. C'est avec, Body Maintenance. Silver Yarns. Et c'est pas tout à fait le même genre de, d'atmosphère. Ok. Atmosphère. Atmosphère. Ah, c'est la plage. Ah ouais, je me vois bien, la beach. La beach. Sinon, c'est pas pareil. À la bah, beach, c'était fait. S'il y a bien un accent que je maîtrise, c'est juste ce mot. Chut. We'll be right back. coup, moi j'avais du noir de casque. Le noir de casque, oui, une spécialité Radio Campus. Ah, oui. C'était Body Maintenance qui joue là, mais en première partie. Joue là. Désintéresseux du Frosty Cold Wave Sensation. Frosty's Cold Wave. Frosty. Frosty. Non, il n'y a qu'un seul Frosty. Ah. Le T répond à eux, quoi. C'est donc à Antwerp Music City, là maintenant, à partir de 20h. Donc vous foncez, parce qu'en verse, quand même, c'est pas loin, ça te pas prêt. Wow. J'espère qu'ils ne jouent pas en premier, parce que là, non. Vu l'heure, tu vas les louper. Non, des intérêts, là, c'est des belgo-néerlandais, donc ils vont passer en première partie, je pense. Première partie. Et c'est organisé par, on ne le dit jamais assez, les organisateurs. Otchoumenas, c'est The City is Dead, ceux qui organisent le plus de concerts sur Anvers. Anvers. Oui. Ah bah. Mais hein, oui. Allez. Et donc, du coup, enchaînons. Vous êtes bien en train d'écouter Pyongyang City Rockers numéro 303 à l'antenne de Radio Campus 106,6. Et vous êtes bien. La radio libre de la métropole lilloise. T'as vu, je fais ça bien. Bam, bam, bam, là, 03 62 26 89 18, le nouveau numéro. Le nouveau numéro sur les plages musicales, ouais, évidemment. Pardon. Ouais, c'est mieux, hein, parce que là, il y a des gens qui nous demandent des informations, là, ils écoutent pas. C'est ça. Quand on annonce les titres, et puis du coup, Schnapps, il envoie un message. Il est toujours au premier morceau, d'ailleurs. Ouais. Oh, alors, bon, là, on en est au cinquième Schnapps, et ça s'appelle Syndrome 80. Je répète, Syndrome 80. Non, c'est faux, c'est pas le cinquième, c'est le quatrième. C'est que le quatrième. Ouais, voilà. N'empêche que ça s'appelle Syndrome 80, Schnapps. Tu notes ? On va passer beaucoup de trucs qui durent un peu longtemps, là. C'est bien, ça va permettre de boire cette blanche de Namur qui traîne depuis au moins deux semaines. Qui nous attend. Hein, ouais. Le morceau s'intitule Poussière. Tu retourneras poussière. Donc, encore des gens en plein de joie et de joie de vivre. En même temps, j'ai envie de dire, tu avais annoncé la couleur sur le flyer de l'émission. Ouais, hein. Joie, bonheur et chaleur dans ton cœur. Grand bonheur dans ton cœur, oui, tout à fait. Syndrome 81, donc c'est trois albums actifs de ces Brestois officiens dans le punk froid. Ah, mais ouais, mais c'est Brest, c'est pour ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont déprimé. Brest, ouais. Lille, j'ai envie de dire, un peu même combat, hein, tu vois. Lorraine, tout ça. Ouais. Ce titre est issu de l'album alternatif Prison Imaginaire, donc c'est un inédit. Bah oui, parce qu'en fait, les mecs, ils ont sorti un album, ouais. Et puis ils sont dit, on a quand même plein de trucs bien, puis des versions de l'album, puis des inédits qu'on peut pas foutre sur l'album, on va en sortir un deuxième en même temps, enfin un mois ou deux d'intervalle, tu vois. Moi, je dis ça, ouais. Je l'ai pas d'ailleurs, j'ai le premier, enfin j'ai l'autre, mais je pense que tu peux demander à Mika. Ok. Je pense. Enfin, en tout cas, dans Trust the Hype. Oui, dans Trust the Hype. Ouais. Pourquoi est-ce que je parle de Syndrome 80? Parce que je n'ai pas forcément une actualité brûlante. Ça sert à rien, Syndrome 80. Et bah, déjà, parce que j'aime bien. J'aime bien. Hein. Puis aussi, quand vous avancez, il y a une actualité brûlante. Ouais, enfin, pas si brûlante que ça. On va te chauffer, là. Là, pour le moment, elle est en train de chauffer. Ouais. Je pense que nous pouvons annoncer qu'ils viendront jouer probablement sur l'île au mois de février, n'est-ce pas? Putain, les mecs. On attend la promo officielle pour vous en parler davantage, ouais. Mais il y aura une belle affiche bien juteuse dans une fort bien belle salle et à prix libre, a priori. Ah, ben oui. Mais quand vous se connaîtrez... Une belle salle à prix libre. Ouais, quand vous connaîtrez... Moi, j'en vois qu'une, le CCL. Évidemment. Donc, poussière, tu retourneras poussière, s'il vous plaît. Oui. Tu me dis ça à moi parce que... Voilà. Parce que c'est toi qui lances le morceau. Là, ah, pas oui, trop d'accord. Fort, pas trop fort. Et s'il vous plaît, pas deux fois de suite. C'est tout à ton honneur. Il y en a qui aiment. Faut pas les dégoûter non plus. Hein, non, ah bah non, arrêtez non, un petit peu. Ils ont juste mauvais goût. C'est on parle pas de Syndrome 81, mais non, de Los Fastidios qui joue aussi ce soir avec Super 8 degrés au bout de nos rêves. Le BNR. Bon pied, bon oeil on finalement. On aime beaucoup le BNR. Ça va mieux, le BNR. Bah, je sais pas, écoute. Ça continue en tout cas. Los Fastidios, ils jouent une fois par an minimum. En tout cas sur l'île, enfin pas loin, au moins deux fois par an. Ouais, voilà. Une fois chez Kevin, une fois chez Pierre. C'est ça. Voilà. Bah, chacun son tour. Bon, puisque on a bien miné l'ambiance, chacun son tour, oui. J'en ai encore un peu. Y a moi aussi. Ah, mais pour l'instant, encore des locaux, mais de l'autre côté de la frontière, à la fois la frontière administrative et la frontière linguistique, vu qu'ils sont de Courtrai, c'est même, on pourrait dire, un groupe résident du PITS. c'est Meuler, je ne sais pas comment on dit. Ils ont mis des. Erfrau Meuler. Ça ne va pas. Hermaphrodite Meuler. Oh là, j'ai arrêté. Donc il y a des trémas tout partout, alors qu'il n'y a quand même que deux. Trent Meuler. deux voyelles dans le nom de ce groupe. Originaire de Courtrai, je l'ai déjà dit. Oui. Résident presque au PITS. Il joue lundi prochain au PITS aussi, d'ailleurs. Oui, bah oui. Il bouge Tona. Enfin, si, il bouge, mais là, il ne bouge pas. En même temps, c'est les vacances. C'est chez eux, ils sont à la maison et ils invitent Bezetstad, groupe de par là, dans le Limbourg, je crois. C'est bien aussi, mais comme j'ai déjà passé, ce coup-ci, là, je passe Moller, qui vont nous faire Snake Bite. C'est non seulement une morsure de serpent, mais c'est aussi un excellent cocktail. Ouais, de bière et de cidre qui a été interdit en Angleterre avant les matchs de foot. N'importe quoi. Si. Mais ils sont cons quoi. Non, parce que ça rend très très con. Moi j'ai passé beaucoup de dimanches à boire des Snake Bites. Ouais. Et deux bottes de Snake Bites, ça te rend complètement marteau. Tout. Ouais, non, mais c'est tout pareil quoi. Je veux dire, quand on boit de temps. Non, il y a vraiment une vraie chimie qui se fait. Et ça fait. C'est comme la Blow, pour rester au PITS. La Blow, il y a un côté un peu traître. Hein. À chaque fois. Hein. Alors que la Jupie, tu peux y aller. Ouais. C'est voilà. Comme la Duval, il y a un côté complètement traître. Ouais, ça te rend complètement con. Mais là, en plus, la Blow, elle est vraiment traite parce que tu crois que c'est une bière douce, lisse. Ouais, c'est qui te veut du bien, voilà, qui t'abreuve, qui t'hydrate. Voilà, et puis comme ça, dans ta face, la Blow. Vous allez boire votre Blow en écoutant Bezetstad et Moller. Moller qu'on écoute les maintenant Moller. Avec Snakebite. Vite, hein, les gars. Tin, tin, tin, tin, et voilà, c'est parti. Je vous demande de vous arrêter. J'ai envie de vous parler de Teen Mortgage. Mon Dieu, pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est mes chouchous de la semaine. C'est hachement bien. Alors, c'est pas mon morceau préféré, mais je vais vous dire un secret tout bas dans l'oreille. Tata Audrey, dis-nous un secret. En fait, j'ai pris celui-là parce que le morceau, il était plus long. Mais il est vachement bien aussi. Je te connais bien là. Such is Life. Et Teen Mortgage, qu'est-ce que c'est donc, mon cher Stéphane? Je me disais que c'était une hypothèque. Et oui, en effet, c'est une c'est hypothèque. C'est une hypothèque pour adolescents. Et donc, c'est un duo, Teen Mortgage. Ouais, qui, mais pourquoi il s'appelle comme ça? Enfin, je veux dire, il faut leur demander quoi. Écoute, je m'empresserai de leur envoyer un message après l'émission, évidemment, qui, en tenant compte du décalage horaire avec Washington DC, d'où ils sont issus. Ouais, bon, on est mort. Ouais. C'est pas la peine de se précipiter maintenant. Non, ils font dodo. Puis après, il va être un peu tôt, tout ça. Pour peu qu'ils aient fait des trucs dans leur vie qui les obligent à se coucher un peu tard. Parce que je crois qu'ils sont tournés en ce moment. Ils sont à tournée? Non, en tournée. Ah. Ils vont jouer au pit. Et donc ce duo aussi bruyant qu'efficace mélange garage fuzz, punk, renom hardcore, des pointes de métal, des fois légèrement punk à roulette, mais dans le bon sens du terme. Mm-hmm. Ils ont pris tout ce qu'il y avait de mieux dans chaque style, tu vois, pour vomir bruyamment dans tes oreilles. Country western, mais il y en a plein qui font des trucs comme ça en ce moment, qui sont à mi-chemin entre... Ils ont bon goût, ils n'ont pas pris country western. Faut pas déconner non plus. C'est la fusion dans le punk et dans le bien-séant. Écoute ce que je dis, il y en a beaucoup de groupes qui font des trucs comme ça, qui sont à mi-chemin entre plein de styles différents, quoi, tu vois. Ouais. Sans aller jusqu'au country et au western, parce que là, je vais taper. Il n'y a que Johnny Cash qui faisait ça bien. D'ailleurs, à force, il s'est caché. Hein. C'est ça. Teen Mortgage, donc, c'est hyper varié, toujours efficace. J'aimerais bien les voir un jour sur scène. Inviter, puis voir une... Mika, on peut faire un truc, s'il te plaît? Allez, dis oui. On pourrait les faire passer à la posture, je sais pas. Ah, c'est fini. Zut, alors. Oups. Bon, allez. Ils ont sorti 4 cassettes entre 2017 et 2022, puis 4 singles entre 2022 et aujourd'hui, majoritairement sur le label qui a un nom que j'aime beaucoup, qui s'appelle King Pizza Records. Du coup, j'ai choisi de vous présenter le Such is Life de Teen Mortgage. Je vous conseille d'écouter le morceau Tuning In. Ouais. Il est vachement bien. Ok. On le trouve aussi sur Bandcamp. Sur Bandcamp. Bon, on ne trouve pas encore sur Bandcamp, mais il paraît que ça a été envoyé à quelques personnes, triées sur le vélo, dont Pyongyang Sea Rockers. Et donc, on va vous passer quand même une petite exclusivité quasiment mondiale. Peut-être pas, mais. Mondialement française, en tout cas. Ouais, ouais, mais en tout cas, c'est pas encore sorti. Ça sort bientôt chez Dirty Punk Records, le label qu'il vous faut, qui n'est pas du Nord-Pas-de-Calais, même s'il en est issu et originaire. Maintenant, il est parti là-bas, dans les Vosges, là. Dans les pays de sauvages, là. Toujours est-il que Dirty Punk Records va sortir un nouvel album de RAS. Oui, oui, messieurs, dames. Oui, mesdames et mesdames. RAS, nom de nom. Content. Et vous êtes content et vous allez donc pouvoir écouter. Alors, écoutez bien cette chose. Ça s'appelle chanson. Toute une vie. C'est une. Oui, c'est une chanson. Ça s'appelle Toute une vie et ça sera. Ça fera partie des. Je sais plus combien de titres de cet album. Putain. Ah, il ne l'a pas précisé. Oui, voilà. moi, je le sais, mais je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas noté. Pléthore, donc, j'ai un. Oui, pléthore, oui. Voilà. Donc, c'est un double album, un triple. Bon, peut-être, ouais, comme Clash. Voici donc RS avec Toute une vie. Mais ça fait combien de temps qu'ils n'ont rien sorti, les gars? Bah à peu près toute ma vie. Peut-être même avant. RAS, toute une vie. Premier Fade Down fait 11 secondes. C'était RAS avec Toute une vie. En attente de cet album qui va sortir, je sais pas, en septembre, un truc dans ce genre-là, chez Dirty Punk. Ah, tu l'as eu aussi, toi? Bah oui, on l'a tous eu. Hein, tu sais, ça s'appelle j'sais le pas, racolage amical. Ouais, ok. Oui. Faut pas le dire. Splink, plink, ploum. Ah non, ça c'était les machins, je plonk. Bon. Non, on ne sait pas, il n'y a pas. Pendant qu'elle regarde son téléphone, je vous affirme. Même, ah non, c'est un disque 8 titres, les enfants. Voilà, c'est ça, 8. Voilà. En septembre, ça sort, un nouveau disque, 8 titres intitulé Rien ne pourra effacer. Donc sur ce morceau, nous avons bien compris en cœur que rien ne pourra effacer. Trois petits points, plein de choses. Bien sûr, Campus 116,6 émission, puis en Gangstero Corse pour encore une vingtaine de minutes. Que nous as-tu concocté maintenant, cher Audrey? J'ai envie de faire un petit retour vers le passé sur une actualité qui n'est pas du tout brûlante, à savoir l'album de Oi Boyz. Voilà, les garçons de Metz nous reviennent nous reviennent très bientôt avec un nouvel ils reviennent très bientôt avec un nouvel album, je crois, janvier février le nouvel album. Je crois, si je ne m'abuse. D'autres trucs avant. Et du coup, il y aura ce nouvel album et une autre petite surprise. Mais pour le moment, chut. Ils viendront jouer à Lille en février. Un split avec RAS. Ouais. Ça va être trop bien. Si, je te jure. Ça me laisse sans voix. Vas-y, parle quand même. Je suis contente. Dis quelque chose, je t'en supplie. Oi Boyz viendront jouer donc à Lille en février. On attend la promo officielle pour vous en parler davantage. Mais il y aura une fort belle affiche bien juteuse dans une fort bien belle salle à prix libre. Et là, nous allons écouter. Le film est mauvais. Ce n'est pas Moi, je l'avoue dit. Moi, je ne vais quasiment plus au cinéma. Enfin, je veux dire, il faut qu'on m'y traîne. T'as pas été voir Oppenheimer? Barbie? Oh non, ça m'intéresse pas du tout, ces conneries d'Amerloc. En fait, c'est ça qui est chiant. Les algues vertes. T'as pas été voir les algues vertes? C'est que des conneries d'Américains. Les algues vertes. Putain, on dirait mon père. Vertes, mais américaines. Non, c'est français, les algues vertes. C'est un documentaire sur les fameuses algues vertes toxiques. Faudra que tu présentes ton père, parce que ça doit être quelqu'un d'assez bien, s'il aime pas les Américains. Allez, passe-nous les Américains, là, de Metz. Alors, Oi Boyz de Metz. Le morceau s'intitule « Le film est mauvais ». Oi Boyz. Dans leur viande en branlée, tu le sais. car comme je m'emmerde, il y a un monde entre ta vie et moi. Si j'étais toi, je ne donnerais rien. Seul, je vois les autres avancer sans moi. Seul, je suis sans rien. J'aimerais vous rattraper. Ouais, alors vous voyez, là, les gens, ils donnent envie de se suicider. Qu'est-ce que moi, je fais? Je rigole. Voilà. Ah, qu'est-ce que tu veux? Le film est mauvais, ça les rend suicidaires. C'est voilà. Pas de ma faute. Hein, c'est pas de ma faute. Pardon, je parlais loin. Eh bien, par loin, contre, un truc qui s'annonce très bien, c'est la nouvelle émission de RCV à la rentrée, à partir du 3 septembre. Mes gens de Dagaïs, qu'on avait accueilli ici, c'était en avril, me semble-t-il. Oui, l'émission, il n'y a pas de podcast parce que ça n'a pas marché. Putain, ouais, on s'est fait niquer par l'enregistrement de podcast. Elle était trop bien, cette émission, en plus. Tout à fait. Et d'ailleurs, toujours personne ne s'est manifesté pour dire « Ouais, moi j'ai enregistré avec ma radio, c'est mon radio cassette. » Ah ben non, il n'y a personne qui a même fait ça. Vous êtes vraiment nuls, bande d'auditrices, cette heure. Franchement, voilà. Vous pensez vraiment que vous étiez plus fan que ça. Il y a des fans de Dagaïst, bah ouais, et donc ils pourraient écouter l'émission X-Wave sur RCV. Leur première, ça sera dimanche 3 septembre de 20h30 à 22h. Ça sera de la musique, comme « Qu'est-ce que je vais vous passer là maintenant ?» Et puis en plus un de peu ça, cold, pour, wave. Pour le numéro 1, il y aura une pléiade de vedettes qui seront invitées. Donc je sais pas, elle va commencer, mais je sais pas comment elle va terminer cette émission. Hein. Donc voici pour l'instant un bon vieux truc de 1980, Gathering Dust par Modern English. Ouais, c'était de bon temps. Et c'est le genre de choses, à mon avis, ils vont en passer. Il y aura aussi des nouveautés, des interviews, des machins, des choses et des trucs et des bidules. Et longue vie à X-Wave qui commence le 3 septembre, mais pas sur Campus, sur RCV 99 FM. Pour l'instant, Modern English, Gathering Dust. Thank you. Et voilà, c'est ça, la bataille dans les champs magnétiques. Alors, vous l'avez entendu, c'était clair. Modern English. Voilà, Gathering Dust. C'est des trucs que, ouais, quand j'étais petit. D'accord. Oh, le lycée, c'est pas petit. Si, si, ouais. Non. Allez, maintenant, tu vas dire du mal d'une équipe de football, absolument, il paraît. Absolument pas. Je parlais d'un groupe de Los Angeles qui a eu la mauvaise idée de s'appeler Deathlance. Ouais, Mort Lance. Dit en français, ça fait à Mort Lance. Et le putain, morceau... On va voir les problèmes, là. Bah ouais, mais c'est pas de ma faute. C'est eux qui ont mauvais goût, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Oui. Ce groupe est en plus devenu assez rapidement un incontournable de la scène DIY locale des États-Unis, de la Californie. Et au fil des ans, donc, ils ont construit un CV qui est assez impressionnant, comprenant un EP partagé avec The Frights, qui est mon groupe chouchou. Des émissions avec Enjoy, Cherry Glazer, Together Panja, Sad Girl, Jasper Bones, Tijuana Panthers, des articles de presse avec plein de gens que vous connaissez pas, mais vachement bien. Si j'en connais un ou deux au début de ce que tu as dit là, mais sinon. Ah, Tijuana Panthers, tu connais ? Non. Non. Bah, bon. Faut que t'en passes ici, quoi. Ouais, mais la semaine prochaine, je vous passe tout ça. Pas de souci, okay. La prog est faite. La prog. leur son, du coup, a été utilisé dans pas mal de films ou de shows télévisés ou de pubs, comme notamment pour le Tony Hawk's Ride Channel, alors, DC Shoes. J'aime pas les Américains, mais j'aime pas non plus la télévision. Hein. Non, moi non plus, mais enfin bref, tout ça pour dire que bon, ouais. Ils pèsent dans le game, ces petits gars. Ouais, le titre que j'ai choisi s'appelle Nights of Erotica. Ouais. Oui, Nights. Nights of Erotica. Les chevaliers de l'érotisme. L'érotisme. Ce titre donc est issu de leur album Fuck This. Ah ouais, on est dans le thème, sorti ouais. En 2016. Fin 2021, le groupe a signé un contrat avec le gros label Secret Friends Music Group et a sorti un nouvel album qui s'appelle No Luck. Allons voir les chevaliers de l'érotisme, ce qu'ils ont à nous dire. Et d'ailleurs, on va tout de suite dire au revoir la semaine prochaine, parce que là, il est déjà 56. Il nous restera à peine une petite minute de Cramps pour. Voilà. Et d'ailleurs, qu'ils continuent dans le thème, vu que c'est leur single Ultra Twist qui est sorti en 1994, et qui était aussi assez olé olé dans le genre. Voici donc Deathlance, celui des Cramps. Et on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour le 304e numéro de Pyongyang sur Radio Campus. Et on n'oublie pas, cher Stéphane. ACAB. ACAB. Bisous. sex. I invented the James Mansfield nuclear project. The Pope Genuflex to gain my respect. Oh, these are the confessions of a psycho cat. These are the confessions of a psycho cat. I know why and when and where it's at. Yes, these are the confessions of a psycho cat. I crossed the Himalayas with animals. And then sideswipe it. So put that in your smoking pipe it.